Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 58. De la justice. Définition de la justice. Comment on exerce la justice envers soi-même? La justice est une vertu, son siège dans les facultés de notre âme. La justice comme vertu générale, et comme vertu particulière, sa matière spéciale, son milieu est un milieu réel, rendre à chacun le sien et son acte propre, sa prééminence parmi toutes les vertus morales. 1. La justice peut-elle se définir, la volonté perpétuelle et constante de rendre à chacun ce qui lui est dû? Cette définition est bonne, si on l'entend bien. En effet, ces paroles, rendre à chacun ce qui lui est dû, désignent l'acte qui se rapporte à l'objet propre de la justice. De plus, pour qu'un acte soit vertueux, il doit procéder d'une volonté habituelle et constante. C'est pour cela que, dans cette définition, figure la volonté, la perpétuité et la constance. Nous pouvons donc nous exprimer ainsi, la justice est une volonté habituelle, constante et perpétuelle de rendre à chacun son droit. 2. La justice a-t-elle toujours rapport à autrui? La justice, exigeant nécessairement diversité de sujets, ne saurait exister proprement que d'un être à l'autre. Cependant, comme, par une sorte d'analogie, on distingue dans un seul et même homme plusieurs facultés ou principes d'action, qui sont, pour ainsi parler, des agents divers, par exemple, la raison, la faculté irascible et la faculté concupiscible, on peut admettre que la justice existe dans un homme par rapport à lui-même, en tant que la raison a le droit de commander à l'irascible et au concupiscible. Ces deux puissances lui devant l'obéissance, ou encore, en tant que chacune de nos facultés reçoit les attributions qui lui conviennent. C'est ainsi que, métaphoriquement, nous pouvons exercer la justice envers nous-mêmes. Note. La justice que produit la foi dans la justification de l'impie consiste précisément dans la coordination légitime des diverses parties de l'âme. Fin de la note. 3. La justice est-elle une vertu? L'édifice entier de nos bonnes œuvres, dit Saint Grégoire, s'élève sur ces quatre vertus, la tempérance, la prudence, la force et la justice. Une vertu est ce qui rend bons et nous-mêmes et nos actes. Or la justice nous rend évidemment bons, puisqu'elle rend nos actes droits. Selon la remarque de Cicéron, elle donne son nom à l'homme de bien, parce qu'en elle brille la plus grande splendeur de la vertu. 4. La justice est-elle dans la volonté? La justice, dit saint Anselme, est la droiture de la volonté. Toute vertu a pour sujet la puissance dont elle doit rectifier les actes. Or la justice n'a pas pour mission de diriger notre intelligence, nous ne sommes pas appelés juste à raison de l'exactitude de nos connaissances. Le principe immédiat de nos actions n'étant autre que la puissance appétitive, la justice réside nécessairement dans l'appétit intellectif, qui est la volonté, ou dans l'appétit sensitif. Rendre à chacun ce qui lui est dû étant un acte qui ne saurait procéder de l'appétit sensitif, puisque la perception des sens est incapable de saisir le rapport d'un être à un autre, il faut admettre que la justice réside dans la volonté. 5. La justice est-elle une vertu générale? La justice réglant nos rapports avec nos semblables, considérés non seulement comme individus, mais comme membres de la société, nous prescrit de contribuer au bien commun, et, À ce point de vue, elle peut commander toutes les vertus, car les membres d'une société étant les parties d'un tout, le bien de chacun d'eux appartient à la société, comme le bien de la partie appartient au tout, et, dès lors, le bien d'une vertu quelconque importe toujours au bien commun. Il en résulte que la justice est une vertu générale, mais, comme il appartient aux lois de tout coordonner par rapport au bien commun, la justice appelée générale dans le sens que nous venons de déterminer s'appelle encore justice légale, par la raison qu'en la pratiquant on se conforme aux lois qui dirigent vers le bien public les actes de toutes les vertus. 6. La justice, comme vertu générale, est-elle essentiellement la même chose que toute vertu? La vertu de l'homme privé, a dit le philosophe, n'est pas celle du bon citoyen. De même que la charité, qui a le bien divin pour objet propre, est en elle-même une vertu spéciale, quoiqu'elle puisse être appelée une vertu générale en tant qu'elle met les actes des autres vertus en rapport avec le bien divin. De même la justice légale, vertu générale en tant qu'elle rapporte à sa propre fin les autres vertus, est aussi une vertu spéciale, dont l'objet est le bien public. Elle donne, il est vrai, l'impulsion à toutes les autres vertus en les commandant, mais elles s'en distinguent cependant essentiellement. Une cause générale n'est pas de la même nature que ses effets, le soleil n'est pas la même chose que les corps qui l'éclaire ou qui l'échauffe. 7. Y a-t-il une justice particulière outre la justice générale? Indépendamment de la justice générale ou légale, qui ordonne les hommes par rapport au bien commun, il faut nécessairement admettre une justice particulière dont l'objet est de régler nos rapports avec les individus, car autre est la nature du bien commun, autre est la nature du bien particulier. 8. La justice particulière a-t-elle sa matière spéciale? La justice particulière, répond le philosophe, porte principalement sur les rapports mutuels de la vie. Tout ce qui peut être rectifié par la raison est la matière d'une vertu morale. Or la raison peut régler les passions intérieures, et les actions extérieures, et les choses sensibles qui sont à l'usage de l'homme. Mais, dans les passions intérieures, elle considère seulement la bonne disposition de l'homme en lui-même, au lieu que, dans les actes extérieurs et l'usage des choses sensibles, elle s'occupe des rapports mutuels des hommes. Comme la justice ne concerne que nos rapports avec le prochain, elle n'embrasse pas toute la matière des vertus morales. Les actions et les choses extérieures envisagées dans les rapports qui s'établissent par elles entre les hommes, voilà sa matière propre. 9. La justice règle-t-elle les passions? Non, c'est aux autres vertus que ce soin est confié, par exemple, à la tempérance et à la force. La justice embrasse uniquement ce qui se rapporte à autrui, or nous ne sommes pas immédiatement en relation avec le prochain par nos passions intérieures. 10. Le milieu de la justice est-il le milieu réel? La vertu de justice a pour objet de mettre dans la proportion voulue vis-à-vis du prochain nos opérations extérieures et les choses dont nous faisons usage. Son milieu consiste dans une sorte d'égalité proportionnelle entre un objet extérieur et le prochain, égalité qui implique un milieu réel entre l'excès et le défaut. Il en résulte que le milieu propre à la justice est celui des choses, c'est-à-dire le milieu réel, et non pas, comme dans les autres vertus morales, le milieu rationnel. 11. L'acte propre de la justice est-il de rendre à chacun ce qui lui appartient? Il suit de ce qui précède que la matière de la justice est l'opération extérieure, selon que cette opération ou la chose sur laquelle elle s'exerce est proportionnée à une autre personne mise en rapport avec nous. Or ce qui est dû à une personne selon l'équité lui appartient. L'acte propre de la justice est donc de rendre à chacun son droit ou ce qui lui appartient. 12. La justice a-t-elle la prééminence sur toutes les vertus morales? La plus grande splendeur de la vertu, dit Cicéron, se trouve dans la justice, de laquelle les hommes de bien tirent leur nom. La justice légale est manifestement la plus noble des vertus morales, puisque le bien commun l'emporte sur le bien individuel. La justice particulière l'emporte aussi sur les autres vertus morales. Elle a son siège dans la volonté, faculté très noble de l'âme, tandis que les autres vertus morales résidant dans l'appétit sensitif, auxquelles appartiennent les passions qu'elles régissent. Les autres vertus constituent seulement le bien de l'homme vertueux, mais la justice, nous rendant bon vis-à-vis du prochain, est un bien que nos semblables partagent avec nous. Nos plus grandes vertus, disait très bien le philosophe, sont celles qui sont les plus utiles aux autres, car la vertu est la puissance du bien. Pourquoi honore-t-on surtout les hommes forts et les hommes justes? Parce que le courage est utile dans la guerre, et la justice, dans la paix et dans la guerre. markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.